à 11. Quand, à quelle heure? Mata, fi ayi sa'a. Écoutez et répétez. Quand est-il arrivé? Mata wasal. Quand est-elle venue? Mata ja'at. Quand avez-vous commencé le travail? Mata bada't al-amal. Quand êtes-vous né? Mata wulidta. Quand l'avez-vous rencontré? Mata qabaltahu. Quand étiez-vous à Bagdad? Mata kunta fi Baghdad. Quand viendras-tu? Mata sata'ti. Quand partira-t-il? Mata sayadhab. Quand le directeur sera-t-il là? Mata sayakun al-mudir fi maktabhu. À quelle heure arrive le train? Fi ay sa'a yasil al-qitar. À quelle heure est l'avion? Fi ay sa'a tuqla' al-ta'ira. À quelle heure ouvrent les magasins? Fi ay sa'a taftah al-mahallat. À quelle heure ça commence? Fi ay sa'a yabda' al-amal. À quelle heure ça ferme? Fi ay sa'a yuqfil al-mahall. Quelle heure est-il? Kam as-sa'a? Il est 8 heures. As-sa'a 8 صباحا. Il est 9h30. As-sa'a 9 wa nisf صباحا. Il est 9h45. As-sa'a 10 illa ruba' صباحا. Il est 15h. As-sa'a 3 ba'da adh-dhuhr. Il est 15h40. As-sa'a 5 illa thulth ba'da adh-dhuhr. Il est 19h15. As-sa'a 7 wa ruba' masaa'an.